Adoli akula sikoyo tour na ngai. Comandé con el amo balina nai, chacho mbala. Música ye a quien de kioca sango bituma bibi mi makasi, feliz fuati. Naira cose la se chacho, oh se que se que. Alors n'attends pas le nombre d'années. na nzoto liki malauka e chacho na ngase na kisentur lokola salumberto brada lokola otombongo lokola pdg ojali lokola horizon masamba lokola grand carulage jovi kuta mama bichilix papa tenai papa machala e Katia TC Paris Wapi José Nteka na Savini le Temple Yamedos Charlie Moussoso Kibusa Les bourgeois de Vendôme, Roger Iker, Bob Mundabe. Anselme le pétrolier. Malou na Suède. Aboubakar. Personnel. La sagesse